Pour compléter sa défense, Hippolyte ose avouer à son père son amour interdit pour Aricie. Mais il se heurte à l'aveuglement de son père, qui demande au dieu Neptune de châtier son fils. Décidé finalement à sauver Hippolyte du courroux paternel, mais apprenant de Thésée l'amour qui lie Hippolyte à Aricie, Phèdre laisse exploser sa jalousie en présence d'Œnone.